Les autres étrangers ayant participé à la cérémonie de décernement du prix international Kim Jong-il ont visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le salon des 21e floralies de Kim Jong-ilien et le palais des sciences et techniques.